Thank you. porte de la vie, en face du temple de l'amour, brille la clé au soleil du silence, en plein cœur de la chaîne aimée, entrez dans la joie de la vie. Hommes, femmes de la terre, redeviennent rayons de lumière. 4 milliards de soleils vivants pour éclairer toute la journée et rendre grâce d'être en vie, qui fasse chaque cerveau de la terre, une pluie d'énergie nous inonde le cœur, et qui fasse si clair dans le regard de tout le monde, que tout homme soit le vitrail transparent de sa vie, solennellement ensoleillé. Thank you.